Bien-aimés, décidément, les pharisiens enragent. Quand ils voient Jésus expulser un démon, ils ne peuvent pas supporter. Et vous voyez, ils deviennent un petit peu fous, il faut le dire. Hein. Ils vont inventer des idées complètement saugrenues pour essayer de faire tomber cet homme qui les dérange profondément. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est quand on a une idée en tête, alors c'est impossible ça paraît impossible de garder la raison. Et on peut partir dans des élucubrations complètement folles. Regardez ce que les pharisiens disent à propos de Jésus lorsqu'ils voient qu'il vient d'expulser un démon et qu'il met en évidence sa puissance. Mais comme ils sont totalement omnubilés par le fait qu'il faut absolument mettre cet homme hors d'état de les nuire à eux, eh bien ils vont inventer l'idée que c'est par Belzébuth, par le chef des démons, par Satan lui-même, que Jésus expulse Satan. Et alors, Jésus, sachant bien ce qu'il y a dans leurs pensées, sachant bien ce qu'ils sont en train de dire au peuple juif, s'exclame, « Enfin, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir debout. Vos idées ne tiennent pas debout. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir debout. Le royaume de Satan, vous voyez bien qu'il tient debout. » Il est un peu biscornu, bien sûr, mais il tient debout. Ça veut dire que ce n'est pas par Belzéboul que j'expulse les démons. En réalité, ce que vous ne voulez pas dire, c'est que la puissance qui est en moi est supérieure à celle du démon. Et il continue en faisant cette parabole, hein, en donnant cette parabole qui va livrer comme ça pour que les pharisiens, eh bien, et de quoi réfléchir. Et il leur dit, voilà. Il compare l'âme humaine à une maison. Hein. Il dit, quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Alors bien sûr, cet homme fort, là, dans cette histoire, il s'agit du diable. Le diable a un palais, c'est notre âme. Et puis il garde ce palais bien en sécurité, tout ce qui est à l'intérieur est bien en sécurité dans son palais. Il fait ses petites affaires dans l'âme. Et alors, si un plus fort survient, qui est ce plus fort? C'est moi, le Christ. Si un plus fort survient, eh bien il va triompher de lui naturellement. Il va triompher de lui, il va lui enlever tout son armement, il va le dépouiller totalement et il va le renvoyer dehors. Il va le mettre à l'extérieur. Et donc, il veut montrer par là que oui, la réalité, c'est que c'est bien le Christ qui est là, c'est bien Dieu, la puissance de Dieu qui agit à travers Jésus. C'est bien lui qui est là, c'est le doigt de Dieu qui agit. Ça n'est pas simplement des querelles de démons. C'est bien plus puissant ce qui se passe, ce qui vient de se passer dans cet homme qui vient d'être délivré. C'est bien moi qui suis là, c'est bien la puissance de Dieu qui agit à travers moi. Et alors juste après, vous voyez, il va donner un enseignement sur le combat spirituel. Il en profite, tout le monde est là, tout le monde entend. Alors regardez, une fois que ce démon est parti, une fois qu'il est dépouillé, attention, tenez-vous bien, restez avec moi. Si votre âme a été libérée d'un démon, restez bien avec moi, parce que si vous n'êtes pas avec moi, vous allez voir. Celui qui n'est pas avec moi, eh bien, vous allez voir les choses se disperser. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il va parcourir les lieux arides, il cherche une autre âme. Il cherche où se reposer, il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner chez moi, je vais retourner dans mon palais. Là, il voit que l'âme était parfaitement délivrée, qu'elle est toute propre et bien rangée. Jésus-Christ a fait son travail. Seulement, il y a un problème, c'est que cette âme ne s'est pas attachée à Jésus. Jésus a fait son œuvre, mais l'âme ne s'est pas attachée à Jésus. Elle n'est pas avec Jésus. L'âme n'a pas accueilli le fait que après sa délivrance, elle doit entrer dans un combat spirituel qui consiste à vivre avec Jésus, passer sa vie avec lui, se nourrir de sa parole, se nourrir des sacrements, se nourrir de tout ce que l'Église lui donne. Et ça, c'est le grand drame, frères et sœurs. Il y a des âmes qui sont libérées par Jésus, mais qui n'entrent pas dans le véritable combat spirituel qui consiste à s'unir profondément au Christ. et qui, une fois libérés, eh bien, retournent à leurs affaires. Et là, le démon revient. Seulement, il ne revient pas tout seul cette fois-ci. Il voit que tout est bien rangé. Il dit « Magnifique, nous allons faire une grande fête. Nous allons vivre en colocation maintenant dans cette âme. » Et il va chercher sept démons encore plus méchants que lui. Et cette fois-ci, ils vont verrouiller encore plus les portes pour que l'homme fort qui vient derrière ait plus de difficultés à les déloger. Et ça, c'est le grand enseignement de cet évangile. Tout d'abord, ça n'est pas le démon qui expulse les démons. Mais une fois que le démon est sorti, il faut s'attacher au Christ. Et l'Église nous donne tous les sacrements. Vous l'avez vécu certainement, vous aussi, d'avoir vécu, à un moment donné, une grande délivrance. Vous avez décidé de suivre le Christ, très bien. Eh bien, après ça, vous êtes rendu compte que vous aviez un grand désir, un grand besoin de venir à la messe. Vous aviez un grand besoin de prier, de vous attacher au chapelet, de vous attacher à toutes sortes de prières. Eh bien, ça, c'est le signe que l'Esprit-Saint vous conduit et que vous entrez dans le combat spirituel. Mais je vois tant et tant de personnes qui, oh oui, bien sûr, ils vont à la messe peut-être le dimanche, mais qui ne combattent pas et qui, dans leur vie, ne cherchent pas à se nourrir des sacrements, ne cherchent pas la confession, ne cherchent rien. En réalité, qui viennent peut-être, voilà, alors ils ont été délivrés par le baptême, ils ont entendu des belles choses à l'église, mais autour d'eux, dans leur vie, eh bien c'est le démon qui règne. Ils font des choses terribles, et ils ne voient pas le mal qu'ils font. Alors, eh bien demandons au Seigneur que pour nous ce ne soit pas le cas en tout cas, et que par notre exemple, les uns et les autres, qui cherchent peut-être inconsciemment à suivre le Christ, mais qui ne veulent pas entrer dans ce combat, puisse se dire, ah, là il y a quelque chose, peut-être qu'effectivement je devrais me mettre moi aussi à suivre de plus près le Christ. Que le Seigneur nous donne cette force-là de tenir dans le combat, que le Christ soit notre seul guide, notre seul maître, et qu'il nous attache à lui intensément, pour que jamais plus le diable ne puisse établir sa demeure en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.